Today, I would like to talk about meditation regarding with a sutta taught by the Buddha. This sutta is called Ratha Vinita Sutta in Sanyutta Nikaya. Ratha Vinita means the Buddha gave the simile of carriage, the horse drawn carriage. Aujourd'hui, je vais vous parler de méditation en me basant sur un sutta du Bouddha. Ce sutta est intitulé Satta Vinita Sutta. C'est un sermon qui appartient à la collection du Samyutta Nikaya. Dans ce sermon, le Bouddha compare la méditation à une charrette qui serait tirée par des chevaux. Comme hier, je vous ai dit qu'il y avait différentes recettes, mais que les ingrédients sont toujours les mêmes. Les ingrédients, ce sont les quatre établissements pour l'attention. Comme vous le savez, le Bouddha a donné de nombreux enseignements. Il y a 84 000 groupes d'enseignements. Mais ils se résument tous à une seule chose, appamada, soyez attentifs. Lorsque le Bouddha enseignait, il s'adressait d'abord aux bhikkhus, tout simplement parce que les bhikkhus, les moines, étaient toujours près de lui. Il s'adressait donc ici également aux bhikkhus. Bhikkhu, dit-il, le bhikkhu qui possède trois qualités pourra vivre heureux physiquement et mentalement. Il pourra être paisible dans cette vie même. Le Bouddha nous dit donc que si le bhikkhu possède trois qualités, il pourra vivre heureux physiquement et mentalement, il sera paisible dans cette vie même. Il ne suffit donc pas d'être heureux physiquement et mentalement, il faut également être en paix. Pour y arriver, il faudra se débarrasser des asavas. Tout le monde désire vivre heureux, physiquement et mentalement. Mais le Bouddha insiste pour dire qu'il faut également vivre en paix. Pour obtenir la paix, il faudra disposer de ces trois qualités. Très brièvement, il s'agira de garder les portes sensorielles. La deuxième qualité concerne l'alimentation. Il faudra doser correctement son alimentation. Il faudra manger, selon la traduction, avec modération. La troisième qualité, il faudra s'efforcer de vivre avec dévotion et de façon diligente. Voulons-nous vivre heureux physiquement et mentalement? Voulons-nous expérimenter Kayika Sukha et Chetasika Sukha? Si oui, nous devrons nous efforcer d'obtenir ces trois qualités. Le Bouddha n'a pas dit que pour être heureux, il fallait avoir des biens. Il a dit que pour être heureux, il fallait avoir ces trois qualités. Nous avons tous six organes sensoriels, et à chaque organe sensoriel correspond une porte sensorielle. Il y a donc la porte de l'œil, la porte de l'oreille, la porte du nez, la porte de la langue, la porte du corps et la porte de l'esprit. Le Bouddha nous dit que si ces six portes sensorielles devront toujours être bien gardées. La deuxième qualité est donc traduite par « manger avec modération ». Mais cette traduction ne couvre pas parfaitement la signification du mot « pali ». Ce n'est pas exactement ce que le Bouddha a voulu dire, car lorsqu'on parle de modération, cela veut dire qu'il ne faudra manger ni trop ni trop peu. Mais ce n'est pas ce que le Bouddha a voulu dire. J'en parlerai plus tard. La troisième qualité consiste à vivre en étant vigilant et avec dévotion. Les yogis qui pratiquent comprennent déjà ce que veut dire être vigilant, garder l'esprit alerte. Le Bouddha a également insisté en demandant aux bhikkhus de faire l'effort de se débarrasser des asavas. Asava est un mot pali qui veut dire purulence. Lorsque le Bouddha nous demande d'essayer de nous débarrasser des asavas, il veut dire que nous devons le faire par la méditation vipassana. Si on ne se débarrasse pas des asavas, il n'est pas possible d'atteindre nibbana. Il faut se débarrasser complètement des asavas. Au début de la retraite, vous vous souviendrez sans doute que j'ai parlé des bénéfices de la pratique. Le premier de ces bénéfices, c'était la purification des êtres. Nos esprits ne sont pas purs, ils sont pollués par les kilesas, les impuretés mentales, comme l'avidité, la colère, l'orgueil, l'égoïsme. Nos esprits ne sont donc ni purs ni clairs. Le Bouddha nous dit qu'il faudra donc vivre heureux et en paix, mais que cela ne suffit pas. Il faudra également se débarrasser des asavas, des pollutions. Le Bouddha nous dit qu'il y a quatre sortes de asavas, de purulence. Kama asava, la purulence du désir sensuel. Bhava asava, la purulence de l'attachement à l'existence. Ditti asava, la purulence des vues fausses. Avijja asava, la purulence de l'ignorance. Nous pouvons réfléchir. Quel type de désir avons-nous dans notre esprit? Avons-nous le désir de nous libérer de la souffrance? Avons-nous le désir d'atteindre Nibbana? Nous comprenons l'enseignement du Bouddha. Et nous comprenons donc qu'en tant qu'êtres ordinaires, Putujana, nous avons surtout Kama Asava dans notre esprit, la purulence du désir sensuel. On parle de purulence précisément parce que ce type de désir est toujours dans notre esprit. Nous avons le désir de voir de beaux objets. Pourquoi allons-nous au cinéma? Parce que nous aimons regarder le film. Et même s'il s'agit d'un film effrayant, nous aimons le regarder. Il y avait un jour une méditante qui m'expliquait que pendant la méditation, des images de films effrayants lui revenaient toujours en mémoire. Elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Le Bouddha nous demande donc de pratiquer de façon diligente pour que l'esprit se débarrasse de ces choses. Car l'esprit est toujours occupé à penser, à fantasmer. Nous avons également le désir d'entendre de beaux sons, de sentir de bonnes odeurs, de goûter des mets agréables et de penser à toutes sortes de choses. Tout ceci, c'est Kama Asava, la purulence du désir sensuel. Voyons maintenant la purulence de l'attachement à l'existence. En ce moment, nous sommes dans le plan humain. Si vous croyez au samsara et au cycle des renaissances, il est possible que vous souhaitiez reprendre naissance encore dans ce plan. Si vous êtes né dans le monde des devas, il est possible que vous désiriez reprendre naissance dans le monde des devas. Nous sommes donc attachés à notre existence, à notre vie. Ceci, c'est la purulence de l'attachement à l'existence, bhava asava. Voyons maintenant ditti asava, la purulence des vues fausses. Le Bouddha nous dit qu'à l'intérieur de nous, il n'y a aucune entité permanente, il n'y a que l'esprit et la matière. Mais ceci est difficile à comprendre, difficile à accepter. Et pourtant, le Bouddha dit la vérité. C'est une de ses qualités, Sugata. Sugata veut dire que le Bouddha nous dit ce qui est vrai et ce qui est bénéfique. Pour qu'il l'annonce, il faut que ce soit vrai et bénéfique. Mais nous avons des vues fausses. Nous avons donc les vues fausses. Nous pensons « ceci est moi ». Je suis cela. Tout ceci, ce sont donc les vues fausses. Lorsqu'on pratique Vipassana, le but, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de soi, il n'y a aucune entité permanente, il n'y a que l'esprit et la matière. Si nous réussissons à comprendre vraiment qu'il n'y a en nous que l'esprit et la matière, nous aurons éliminé les vues fausses. Je vous ai souvent expliqué comment, par la pratique de Vipassana, en observant attentivement, le yogi peut réussir à éliminer les vues fausses. Donc, en général, nous avons Ditti Asava. Et ensuite, Avijja Asava, la purulence de l'ignorance. Nous ne comprenons pas clairement l'esprit et la matière. Nous ne comprenons pas clairement les causes et les effets. Nous ne comprenons pas clairement Anicca, Dukkha et Anatta. Nos esprits sont très illusionnés. Qui peut se libérer des asavas? Seuls les Bouddhas et les Arhats sont complètement libérés des asavas. Ils les ont complètement éliminés de leur esprit. Si vous devenez donc un Arhat, vous serez complètement débarrassé des asavas. Si vous avez atteint le stade de Sotapanna, vous avez encore des asavas. Si vous avez atteint le stade de Sakatagami, vous en avez encore. Au stade d'Anagami, vous en avez encore, mais ils ne sont plus très forts. L'être ordinaire, le Putujana, qui n'a donc pas encore atteint l'illumination, a des asavas très fortes. Pour s'en débarrasser, il faudra donc suivre les instructions du Bouddha et développer ces trois qualités. Si on parle de purulence, vous ne comprendrez peut-être pas bien ce que le Bouddha a voulu dire. C'est pourquoi les érudits traduisent ce mot par écoulement, courant. Ils comparent cela à une eau courante qui passerait du haut vers le bas. Une autre signification de ce mot, c'est qui coule goutte à goutte. On pourrait illustrer cela par un pot rempli d'eau. Ce pot est scellé et l'eau s'écoule goutte à goutte du pot. Ces pollutions, ces imperfections vont donc suppurer dans toutes les existences, depuis les existences supérieures, des Brahmas, jusqu'aux existences inférieures, les Apayas. Elles suppure en permanence. Kama asava, la purulence du désir sensuel, bhava asava, la purulence de l'attachement à l'existence, ditti asava, la purulence des vues fausses, avijja asava, la purulence de l'ignorance. Elle suppure en permanence de haut en bas. Nous devrons donc faire en sorte que ces choses ne suppurent plus. Le Bouddha nous demande donc de nous débarrasser des purulences. Nous devons donc voir par nous-mêmes dans quelle mesure nous avons ces asavas en nous. Avons-nous beaucoup de désirs? Quel type de désirs avons-nous? En plus, ces pollutions vont fermenter à l'intérieur de nous. Elles vont nous intoxiquer et nous ont déjà intoxiqués depuis longtemps. J'essaie de vous expliquer le plus clairement possible ce qui est écrit dans les textes. On pourrait comparer ces asavas à de l'alcool. L'alcool, je n'en ai jamais goûté, donc je ne connais pas vraiment son odeur, mais je pense que l'odeur doit être désagréable. Et dans l'usine où on fabrique l'alcool, l'odeur doit être encore plus désagréable. Ça doit sentir la fermentation. Depuis que nous sommes en vie, nous avons donc ces asavas en nous qui ont fermenté et qui nous intoxiquent depuis toujours. Parfois, il nous est arrivé de cuisiner un plat birman appelé Ngopi. Je ne sais pas le prononcer. Et donc, c'est du poisson fermenté. Alors, Sayadaw a remarqué que les méditants, quand ils sont descendus et qu'ils ont senti cette odeur de poisson fermenté, n'ont pas trouvé ça très agréable. On les a rassurés en leur disant que c'était pour Sayadaw. Donc, nous sommes allés dans un magasin thaï pour que Sayadaw puisse choisir des ingrédients auxquels il est habitué. Et on a acheté beaucoup de choses. Et puis, en revenant, Sayalee Makemanandi a cuisiné. Et puis, c'était la même chose. Heureusement, la cuisine est assez éloignée de la salle de méditation. Donc, les méditants n'ont pas été trop incommodés. Mais l'odeur était tout de même assez forte. Et nous ne sommes pas habitués. Donc, je n'ai pas très bien compris, mais je pense que Sayadaw veut dire que cette purulence, c'est un petit peu comme si cette odeur venait de très très loin, et une odeur très très ancienne qui remonte du passé. Il n'est donc pas facile de se débarrasser des purulences, et surtout si on ne pratique pas la méditation vipassana. Si on pratique la méditation vipassana, ce sera malgré tout très difficile. Il faudra être très vigilant et pratiquer avec dévotion. L'énergie virya est donc très importante. Le Bouddha répète inlassablement qu'il faut faire preuve de atapi. Atapi, c'est un effort soutenu, physique et mental. Si on ne fournit pas atapi, ce ne sera vraiment pas facile de se débarrasser des asavas. Comment allons-nous réussir à nous débarrasser des asavas? Il faudra donc disposer de ces trois qualités. La première, c'est la capacité de garder de façon sûre les six portes sensorielles. Comment garde-t-on les portes sensorielles? Vous vous souvenez sans doute des explications que j'ai déjà données, mais il faut inlassablement les répéter. Bhikkhu, dit le Bouddha, comment le bhikkhu garde-t-il les portes sensorielles? Bhikkhu, si le bhikkhu voit un objet visible avec l'œil, il sait qu'il voit. Si donc nous ne pratiquons pas vipassana et que nous voyons un objet visible, nous n'allons pas noter voir au moment où la vision a lieu. Nous ne serons pas attentifs à cet objet, nous le regarderons librement. Que va-t-il se passer alors? Si l'objet est agréable, nous le ressentirons comme beau et nous nous mettrons à l'aimer. Le désir sensuel va se manifester. Ce désir, c'est l'obha. Si l'objet est désagréable, nous le trouvons vilain et nous nous fâchons. C'est dosa. Il n'est donc pas possible de se débarrasser de la purulence du désir sensuel si nous ne sommes pas attentifs. Par contre, si nous pratiquons vipassana et que nous voyons un objet visible, nous le verrons peut-être de façon générale, mais nous ne saisirons pas les détails. Nous ne saurons par exemple pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Mais ceci est difficile à réaliser. Lorsque la vue est bonne, on voit les détails. Lorsque la vue n'est pas très bonne, on ne voit pas les détails. Si on ne veut pas voir les détails, il faut que notre attention soit très développée. Nous devons donc suivre les instructions du Bouddha. Si nous voulons nous débarrasser des purulences, des asavas, le bhikkhu ou le yogi doit s'entraîner. Lorsqu'il voit un objet visible, il doit immédiatement le noter. Il doit noter attentivement la vision, le fait de voir. De cette façon, il ne pourra pas reconnaître les détails. Il doit noter, voir, et il faut s'entraîner à le faire. De cette façon, l'esprit n'ira pas au-delà du simple fait de voir. Il ne reconnaîtra pas cet objet, tout simplement parce que l'attention de ce yogi est très forte. Mais si son attention n'est pas très forte, et s'il n'est pas attentif à la vision au moment où elle se produit, forcément, automatiquement, il va se mettre à penser à cet objet. Dans les Écritures, il est expliqué que on réfléchit toujours au sexe opposé. Les hommes vont s'attarder aux images féminines, les femmes vont s'attarder aux images masculines. Si un homme voit une femme et qu'il ne note pas la vision, il va automatiquement reconnaître les formes, il va reconnaître sa démarche, son sourire, toutes les parties du corps. De cette façon, l'attachement, le désir, peut se manifester dans son esprit, tout simplement parce qu'il n'a pas été attentif. Ceci, c'est la nature humaine, c'est la nature du putujana, de l'être ordinaire. Mais le Bouddha nous demande de bien garder la faculté sensorielle, bien garder la porte de l'œil. Comment garde-t-on l'œil? En notant voir au moment où la vision a lieu. Si l'attention est faible, il y aura encore du désir qui va probablement s'infiltrer dans l'esprit. Mais dès que l'attention sera devenue très forte, le désir ne pourra plus pénétrer. Il faut donc s'efforcer d'arriver à l'attention ininterrompue. Il faut être vigilant. Il ne faut pas se contenter de noter superficiellement, voir. Il faut le faire de façon très attentive. Un yogi qui donc se montre vigilant et travaille avec dévotion va noter très attentivement, parce qu'il comprend que s'il ne note pas très attentivement, il est inévitable que l'oba, le désir, et dosa, la colère, le submergent. Ce yogi très attentif n'autorise pas l'oba et dosa à pénétrer dans son esprit. Dès qu'une vision se manifeste, il note, voir très attentivement. Son œil est bien gardé. La porte sensorielle de l'œil est bien gardée chez ce méditant. Je suggère cependant aux nouveaux yogis, ceux qui débutent, de ne pas encore s'attarder sur les visions, sur les sons, sur les contacts sensoriels. Je leur recommande d'essayer d'intensifier leur observation de l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ils vont ainsi, petit à petit, renforcer leur attention, par le simple fait d'être attentifs sans interruption à ces deux mouvements. Ils peuvent également ajouter la posture assise et le toucher. Dès que leur attention se sera développée, ils pourront noter, voir lorsqu'il y aura une vision, entendre lorsqu'il y aura un son. Ils devront noter ces choses avec patience, voir, entendre. Si leur attention est développée, ils pourront comprendre certaines choses au moment où ils notent ainsi attentivement, voir, entendre. Et ils pourront l'expliquer facilement à l'entretien. Dans les commentaires, on raconte une histoire qui s'est passée après le parinibbana du Bouddha. Cette histoire se passait au Sri Lanka. Il y avait un moine qui pratiquait intensivement la méditation samatha, et il y a 40 sujets de méditation samatha, il n'y a pas que le va-et-vient du souffle au niveau des narines. Ce moine pratiquait donc la contemplation des squelettes. Un jour, un couple s'était disputé et donc l'homme et la femme s'étaient séparés. La femme se rendait dans sa famille et en cours de route, elle rencontra ce moine. Peu après, le mari lui demanda « Auriez-vous vu par hasard une femme ?» Le moine lui répondit « Je n'ai pas vu une femme, je ne sais pas si cette personne était un homme ou une femme, en fait, j'ai vu un squelette. » Il n'avait vu qu'un squelette, étant donné qu'il avait donc pratiqué cette méditation de façon intensive. Ici, nous pratiquons Vipassana, et nous essayons de développer notre attention. Si notre attention n'est pas encore très développée, et que nous rencontrons une personne, il est fort probable que nous reconnaissions cette personne comme étant un homme ou une femme. Mais dès que notre attention sera devenue forte, nous serons capables de noter, voir, au moment où nous voyons cette personne, et nous ne verrons pas les détails de cette vision. Nous serons simplement conscients d'avoir vu quelque chose. Notre esprit n'aura pas été au-delà du simple fait de voir. That's enough for today. I will continue tomorrow. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Then understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.